بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سنستمر في الشرح على هذه المنظومة nous allons continuer l'explication de ce poème وقد وصلنا إلى قول الناظم وأقول قال الله جل جلاله Nous sommes certes parvenus à la parole de l'auteur wa aqulu qala Allahu jalla jalalu. On a déjà expliqué cette partie lors de la séance passée la semaine dernière. Il y a juste un dernier point que je voudrais expliquer, c'est la parole jalla jalaluhu. Et donc jalla jalaluhu fa kathirun min an-nas man yadhun anna hadhihi al-kalima جل أو حينما نقول عز عز وجل beaucoup de personnes lorsqu'on dit الله عز وجل ils pensent que c'est une invocation يظنون أن هذا دعاء وليس الأمر كذلك et cela n'est pas correct ce n'est pas une invocation عز من العزة et donc le mot عز qui vient de العزة la puissance والجلال la gloire. Et donc, on a dans la langue arabe el khabar wa ad-du'a qad ya'tiyani bi siyaqin wahid. Dans la langue arabe, on a une information et une invocation peuvent venir dans sous une même forme de phrase. Par exemple, je vous dis radiyallahu anhu. Radiyallahu anhu, qu'on peut traduire par il l'a agréé. Ou on peut traduire par qu'il l'agréé. Il l'a agréé, une information. Qu'il l'agréé, une invocation. Et c'est là que beaucoup de personnes se trompent. Lorsqu'on va parler d'Allah tabaraka wa ta'ala, ils vont penser que c'est une invocation. Alors que non. Lorsque tu dis Azza wa Jal, tu ne demandes pas que Allah tabaraka wa ta'ala soit puissant. Et tu ne demandes pas qu'il soit glorieux. Il l'est déjà. Azza wa Jal. Mais Azza wa Jal, aïe, balagha fil izzati wal jalali rayatahuma. C'est-à-dire celui qui est le possesseur de la puissance et de la gloire parfaite et complète. Et donc Allah Jalla Jalaluhu, celui qui possède la gloire parfaite et complète. Et donc on ne comprend pas par cela une invocation. Parce que si on dit que c'est une invocation, ça veut dire que Allah, il n'a pas atteint la gloire parfaite et complète. Et là ça, c'est une erreur concernant la croyance vis-à-vis d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et donc je voulais juste aborder ce dernier point avant de passer à la deuxième partie de ce vers. Wal Mustafa al-Hadi wa la ata'awwalu. Al Mustafa, ce qui est voulu par Al Mustafa ici, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al Hadi, ce qui est voulu par là, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa la ata'awwalu. Et je ne fais pas d'interprétation. Et donc le vers en entier, et je dis ce que Allah, il dit, je dis, et ma croyance est ce que Allah, il dit, ainsi que son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et je ne fais pas d'interprétation. Wa al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, huwa al-Mustafa. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le Mustafa, c'est-à-dire celui qui a été choisi. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans son livre, Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min al-nas. Allah, il choisit parmi les anges des messagers, mais aussi parmi les hommes. Wa kawnul mar'i ya'tamidu ala qawlillahi wa rasulihi khayrun 'azim. Et le fait que l'individu s'appuie sur la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala et du messager, cela est un grand bien. Pourquoi? Allah tabaraka wa ta'ala, quand il parle de son messager, il dit « Wa ma yantiku anil hawa ». Il ne parle pas selon la passion. In huwa illa wahyun yuha. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il dit est une révélation qui lui est faite. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il dit aussi concernant son messager, Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. Allah est plus savant de là où il place son message. Il a fait descendre cette révélation sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il sait pourquoi il l'a choisi, lui. Voilà pourquoi nous devons avoir confiance en ce messager, en ce prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alladhi istafahu Allah tabaraka wa ta'ala. Celui que Allah a choisi et a élevé au-dessus des autres. فهو المصطفى الهادي الهادي اسم من اسماء الله او صفه من صفاته الهادي ça fait c'est un nom parmi les noms d'Allah ou alors et je dis bien ou alors une parmi les caractéristiques d'Allah tabaraka wa ta'ala قال الشيخ الاسلام ابن تيميه وَمِنْ أَسْمَائِهِ الْهَادِي Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il nous dit, et parmi ces noms, parmi les noms d'Allah, il y a الْهَادِي, comme dans Majmu' al-Fatawa. Ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ou. Un nom ou une sifat. أَمَّا الْأَدِلَّ عَلَى ذَلِكَ Et les preuves concernant cela, les preuves sur lesquelles s'appuient les savants pour dire que le mot الْهَادِي est un nom d'Allah tabaraka wa ta'ala ou un de ses attributs. On a la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala Inna Allah la hadi alladhina amanu ila siratil mustaqim. Certes, Allah guide ceux qui ont cru vers une voie de rectitude. Rectitude. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il dit aussi Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Et ton Seigneur suffit comme guide et comme soutien. Et donc, on a ici cette caractéristique, le fait de guider, qui a été cité concernant Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran. Cependant, on n'a pas Al-Hadi. Cheikh Ibn Uthaymeen, il dit Amma Al-Hadi fa ba'du al-ulama أثبته من أسماء الله وبعضهم قال هذا من أوصاف الله وليس من أسمائه. Et donc le Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, il dit en ce qui concerne Al-Hadi, celui qui guide, alors certains savants l'ont placé parmi les noms d'Allah et d'autres l'ont placé parmi ses attributs, ses caractéristiques à Allah tabaraka wa ta'ala. Mais ce n'est pas un de ses noms. Fin de citation. Wa hidayatu at-tawfiq khassatun billah wa huwa alladhi yahdi al-qulub. Et donc la guidée de la réussite est spécifique et propre à Allah. Car c'est lui qui guide les cœurs. Aucun d'entre nous n'a la capacité de guider les cœurs, de guider le cœur de qui que ce soit. Nous pouvons faire les causes, expliquer à quelqu'un pour qu'il comprenne, tiens, la vérité c'est ça, et tiens, l'explication de tel verset c'est ça. Pourquoi? Parce que le prophète il a dit ça, les compagnons ils ont dit ça, les imma ils ont dit ça, et donc la vérité c'est ça. Mais est-ce que tu garantis que la personne va comprendre et que la personne va suivre cette vérité? Non. Ça, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui détient cette guidée, la guidée des cœurs. Et ça, ce sujet-là, on l'a déjà abordé plusieurs fois. Lakin, al-muradahuna, al-bil-hadi, huwa al-nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, ce qui est voulu par le mot al-hadi, ici, c'est le prophète. Al-Mustafa al-hadi. C'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Fahuna, su'al. هل يجوز إطلاق اسم الهادي على غير الله تبارك وتعالى؟ Et donc la question est-il permis d'utiliser le mot El-Hadi pour autre que Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Et là, c'est l'auteur qui l'a utilisé. Mais est-ce qu'il a raison d'utiliser ou pas? Yajouz? Hidat al-Irshad. Yajouz ou la Yajouz? Ikhtalef ou Yann? Sifa. Et donc, Hidayat al-Bayyan. Yubayyin linnas. Et donc, la guidée, il montre aux gens la vérité. Innaka la tahdi. Certes, tu guides vers une voie de rectitude. Tayyib, on va voir, inshallah ta'ala. D'ailleurs, une question, parce que j'ai dit inshallah ta'ala. Et tout à l'heure, quand j'ai posé la question, j'ai dit tabaraka wa ta'ala. C'est une invocation, ça? Hein? Laisse un bidoua. Quand je dis Allahu tabaraka wa ta'ala, c'est une invocation ou pas? هذا خبر أو دعاء؟ هذا خبر. خبر. هنا information. Quelle information? Ça veut dire quoi? تبارك وتعالى. À chaque fois, chaque jumu'a, on entend تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى. Ça veut dire quoi? نعم. أي بلغ في البركة غايته. Il a atteint. C'est celui qui possède la bénédiction parfaite et complète. Mais ça ne veut pas dire qu'il soit béni. Il y en a, ils ont traduit par « Allah béni soit-il ». Il est déjà béni. Il est le possesseur de la bénédiction parfaite. Allah béni soit-il ? Non, ce n'est pas correct. D'accord ? « Wa ta'ala » le Très-Haut. D'accord ? Il faut bien comprendre ces termes, ne pas donc se tromper dans ces sujets-là. « Barakallahu fikoum ». Et donc, par rapport à la question qu'on a posée tout à l'heure, El Jawab. Naam. Fa inna Allah atlaqa hadha al-isma ala ba'di khalqihi ala wajhi sifa. Et donc, oui, c'est permis d'appeler une des créatures d'Allah El-Hadi. Car certes, Allah tabaraka wa ta'ala, il a utilisé ce nom pour certaines de ses créatures, mais comme attribut. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans son livre, innama anta munzir. Certes, tu viens en mettant en garde contre un châtiment. Et chaque peuple détient un guide. Head. D'accord? وَقَدْ سَأَلَ أَحَدُ الْمُسْلِمِينَ اللَّجْنَةُ الدَّائِمَةِ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُغَيِّرَ اسْمَهُ Hadi. Et donc, un des musulmans, il a interrogé le comité permanent pour la fatwa. Avec, sous la présidence de Cheikh Ibn Ubaiz, rahimahullahu ta'ala, est-ce qu'il doit changer son nom? Parce que son nom, c'est Hadi. Et il précise dans la question, wal Hadi hu Allah. Al Hadi, c'est Allah. Est-ce que je dois changer mon nom ou pas? Fa'ajabatil lajna. In abqaita ismak al-awwal fala haraj. Si tu gardes ton premier nom, Hadi, alors il n'y a pas de mal en cela. Li anna lafdh al-Hadi mushtarak mutlaqun 'ala Allah wa 'ala ghayrihi min an-nas. Car le nom al-Hadi, il est doublement utilisé. Il est utilisé pour Allah tabaraka wa ta'ala et pour autre que lui parmi les gens. الذين يهدون غيرهم الى ما ينفعهم. Donc les gens qui vont guider les autres vers ce qui leur est profitable. كالرسل, comme les messagers. كما قال الله تعالى ولكل قوم هاد. Et comme Allah تعالى il l'a dit ولكل قوم هاد, et chaque peuple détient un guide. ومن المعلوم أن وصف الله سبحانه بأنه الهادي لا يشابه وصف المخلوقين. Ça c'est important. Ils nous disent, et certes il est connu que le fait de caractériser Allah par El Hadi, celui qui guide, ne ressemble pas aux créatures. Attention. La guidée d'Allah n'est pas comme celle des créatures. Nous, la guidée des créatures, les créatures vont montrer la voie. Elles vont montrer. C'est la voie que tu dois suivre. C'est ça. Tiens, tu veux être bien guidé? Tu veux être sur la religion de vérité? Sois musulman. Pourquoi? Parce que ça. Est-ce que la personne va suivre? Allahu a'lam. C'est Allah qui guide les cœurs. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala est le seul à pouvoir guider les cœurs. Donc la guidée d'Allah n'est pas comme celle des créatures. Et ensuite il continue en disant wa in ghayyarta ismak ila abdil hadi fa la ba'sa bi dhalika shar'an. Par contre, si tu changes ton nom vers Abdil Hadi, le serviteur de celui qui guide, du guide, alors il n'y a pas de mal en cela dans la législation. Wa li ya'lam annana hina ma nadrus al-asma wa as-sifat la budda an nata'ammala fiha. Et il est important de savoir que lorsque on étudie les noms et attributs, il est impératif que on médite. Il est impératif que l'on médite à cela, concernant cela. Étudier les noms et attributs est une science énorme, les frères. Cheikhoul Islam Ibn Taymiyyah yaqul innaha min a'zami al-asbab lit-taqarrub ila Allah tabaraka wa ta'ala. Il dit, Cheikhoul Islam, que étudier cette science fait partie des plus grandes causes pour se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala, les noms et attributs. Mais cela, ça nécessite que tu médites, que tu réfléchisses sur ces noms et sur ces attributs que tu apprends. Fal hadi al-hidayatu akbar ni'matin an'ama Allah biha 'ala al-'abd. Et donc concernant le nom al-hadi, il faut savoir que la guidée est le plus grand bienfait que Allah tabaraka wa ta'ala accorde aux serviteurs. Fallahu hadana lil-islam wa lis-sunnah. Allah, c'est celui qui nous a guidés vers l'islam et vers la sunna. Wa bihasbi hadhihi al-hidayah yablughu al-mar'u as-sa'adata fi ad-dunya wal-akhirah. Et en fonction de cette guidée, le serviteur va connaître le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Ce bonheur, il dépend donc de cette guidée. As-tu été guidé totalement vers l'islam ou la sunna et la sunna? As-tu été guidé partiellement vers l'islam, mais par contre tu es tombé dans certains groupes, etc. Et donc, tout dépend, le bonheur de la personne dépend aussi de cette guidée. Voilà pourquoi les meilleurs des créatures demandaient à Allah tabaraka wa ta'ala la guider. Les meilleurs des créatures, les bien guidés. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous a ordonné à tous de demander la guider. Dans Surat al-Fatiha, à chaque fois, on doit réciter Surat al-Fatiha plusieurs fois par jour. Et dans cette surat, qu'est-ce qu'on demande? Ihdina Sirat al-Mustaqim. On avait déjà vu ici dans cette mosquée. Surat al-Fatiha kulluha du'a. Surat al-Fatiha, du début jusqu'à la fin, c'est une invocation. Et quelle est cette invocation? Ihdina Sirat al-Mustaqim. Guide-nous vers la voie droite, la voie de rectitude. Cela te montre l'importance de la guider dans la vie du croyant, la vie du musulman. Tu ne peux pas te passer de la guider. Tu ne peux pas te passer de celle-ci. Il faut absolument demander la guider plusieurs fois par jour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui que Allah tabaraka wa ta'ala l'a décrit comme guidant les gens, lui-même, il demandait la guider. Lui-même, il demandait cette guidée. Muslim cite dans son recueil son nom de Mas'ud, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, Allahumma es'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-afaf wa al-ghina. Ô Seigneur, donc le prophète qui demandait, ô Seigneur, je te demande la guidée, la taqwa, la crainte, wa al-afaf, al-afaf, l'abstinence. Ils disent les savants, le fait de s'abstenir, d'accomplir les actes interdits. Et donc l'abstinence. Et aussi, el-rina. C'est quoi el-rina? La richesse de l'âme. C'est-à-dire? Le canard, c'est-à-dire? Oui, mais en français. En français, comment on va traduire ça? L'insuffisance et aussi l'autosuffisance. L'autosuffisance, le fait que tu te passes de demander aux autres. Tu te suffis de ce que Allah tabaraka wa ta'ala t'a accordé. Et tu ne vas pas demander aux autres. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demandait ces éléments-là à Allah tabaraka wa ta'ala. Et parmi eux, il y a la guider. Alors que lui, il était bien guidé et il appelait les gens à la guider. Cela nous montre l'importance, ô mes frères, de demander la guider à Allah tabaraka wa ta'ala. Et lorsque quelqu'un te dit, Allah yahdik, tu dis Amin. Alhamdulillah, dis Amin. Aujourd'hui, certains leur disent Allah yahdik, ils disent Allah yahdikent. Qu'Allah il te guide toi. Subhanallah, et toi, ya akhi, tu ne veux pas la guider pour toi-même. Ok. Amin. Alhamdulillah. Et donc, ce n'est pas une insulte, c'est une invocation. Il est énervé, mais il a fait une invocation pour toi. Comme si tu aurais préféré qu'il fasse une invocation contre toi. Et donc, mes frères, il faut vraiment faire attention à cet attribut d'Allah tabaraka wa ta'ala, le fait que c'est lui qui guide les cœurs. Nous devons tout le temps lui demander, subhanahu wa ta'ala, de nous guider. Et ensuite, dans sa parole, wala ata'awwalu. Donc on a vu Al-Mustafa al-Hadi, wala ata'awwalu. Et je ne fais pas d'interprétation. Attention, le mot ata'awwalu, on peut le traduire de plusieurs façons. Je vais le traduire comme ça. Wala ata'awwalu. Et ensuite, je vais vous expliquer diverses significations, inshallah ta'ala. Fa'at-ta'wil lahu ma'ani wa yahsunu dhikruha aw dhikru wa yahsunu dhikruha aw dhikru ba'daha ibtida'an. Et donc le mot at-ta'wil, l'interprétation, a plusieurs significations. Et il convient de citer les significations de ce mot ou certaines de ses significations pour commencer. فالتأويل قد يأتي بمعنى التفسير. Le mot التأويل, l'interprétation, peut venir avec la signification de التفسير. Donc l'exégèse, l'explication. في مسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. Dans le مسند de l'imam Ahmed, selon ابن عباس رضي الله عنهما, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant Ibn Abbas, ô Seigneur, faqqihhu fi din, accorde-lui la compréhension de la religion et enseigne-lui et ta'wil, le tafsir, l'explication. Ok? Et aussi, wa qad ya'ti ta'wil bima'na haqiqati shay' wa 'aqibati. Le mot et ta'wil, l'interprétation, ici ça sera pas. Ça ne sera pas trop l'interprétation, mais ça sera plutôt la finalité. Le mot ta'wil peut venir avec le sens de la finalité de la chose, la réalité et la finalité de la chose. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit, هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلًا. Est-ce qu'ils n'attendent que la finalité et la réalité de ce que nous avons dit, les menaces? Allah tabaraka wa ta'ala qui a donc menacé les peuples mécréants, à cause de leur mécréance, il les menace dans le Coran d'un châtiment terrible. Et ensuite il dit, هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلًا. N'attendent-ils que la finalité de cette chose? N'attendent-ils que la réalisation de ce qui a été dit précédemment, le châtiment? Et donc ici le mot التأويل, il va venir dans le sens de la réalisation de cela, la finalité, etc. Est-ce que c'est compris? Oui? Tayyib, on continue. Wa qad ya'ti at-ta'wil aidan bima'na al-imtithal wa al-'amal bima fi al-Qur'an. Le mot at-ta'wil, il peut venir dans le sens de l'obéissance et dans le sens du fait d'appliquer ce qu'il y a dans le Qur'an. Akhraj al-Bukhari wa Muslim. An 'Aisha radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yukthiru an yaqul fi ruku'ihi wa sujudihi. سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. Et donc, Al-Bukhari et les musulmans ont cité dans leur recueil, selon Aïcha radiallahu anha, qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait souvent, dans ses inclinaisons, al-ruku' et dans ses prosternations, es-sujoud, subhanaka allahumma wa bihamdik, allahumma ghfirli, yata'awwalul Qur'an. Il applique et il obéit à ce qu'il y a dans le Qur'an. Yata'awwal. Et donc on a le mot ta'wil qui est venu ici, dans le sens d'appliquer. Il appliquait l'ordre qu'il y a dans le Qur'an. Quel ordre? Quand le prophète il dit, dans ses prosternations et ses inclinaisons, subhanaka allahumma wa bihamdik, allahumma ghfirli, il obéit à quel ordre? Quel ordre? Aïe Amr? Non, là. Jazakallahu khair. Fasabbih bihamdika, bihamdi rabbika wa astaghfir. Et donc il obéit à cet ordre-là de son Seigneur. Là, Aïcha, elle a dit que donc le prophète, donc il disait beaucoup durant les prosternations et les inclinaisons, subhanaka allahumma wa bihamdik, allahumma ghfirli, yata'awwalul Qur'an. Il applique l'ordre du Qur'an. Là, هذا الدعاء لا للأمة. لأن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها للإقتداء. Et donc là, la question du frère, très bonne question, est-ce que cet acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est spécifique pour le prophète ou c'est général pour toute la communauté? C'est ça, hein? La réponse, c'est que c'est pour toute la communauté. Pourquoi? Parce que la base, c'est que tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait, c'est pour toute la communauté. Sauf s'il y a un nombre, un élément qui vient spécifier que c'est que ce n'est que pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc la base, c'est que tout ce qu'il fait, c'est pour tout le monde. وَقَدْ يَأْتِ التَّأْوِيلِ أَيْضًا بِمَعْنَى صَرْفُ الْكَلَامِ عَنْ ظَاهِرِهِ. Et il se peut que le ta'wil ait la signification de changer le sens apparent du mot ou de la parole. Changer le sens apparent de la parole. Et donc, interpréter le mot avec un autre sens que son sens apparent. فَإِنْ كَانَ بِدَلِيلٍ فَهُوَ مِنَ التَّفْسِيرِ. Si cela est fait avec preuve, alors il fait partie du tafsir, qui est permis. Si cela est fait avec preuve, alors il fait partie du tafsir. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِدَلِيلٍ فَهُوَ التَّأْوِيلُ الْمَذْمُومِ. Et si cela est fait sans preuve, alors c'est là qu'on a l'interprétation qui est blâmée. Le fait de changer le sens d'un mot vers un autre sens que son sens apparent, sans preuve. Exemple. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans le Coran, Ar-Rahmanu ala l'arshistawa. Et donc, le tout miséricordieux s'est établi sur son trône. Sur le trône. Ar-Rahman s'est établi sur le trône. Ils vont, donc les gens de l'innovation, ils vont interpréter ça par istawla. Le mot istawa, donc s'est établi, ils vont le traduire, ils vont l'interpréter par istawla, qui signifie conquérir. Conquérir le trône. Il a donc conquis le trône. Elle est où la preuve de cette interprétation? Walou. On va donc, ils ont donc changé le sens du mot. Pourquoi? Tout ça pour ne pas dire que Allah il est au-dessus des cieux. Pour ne pas dire que Allah est au-dessus des cieux, ils vont donc faire ce ta'wil, ce qu'on appelle le ta'wil ou le mezmoum. L'interprétation blâmable, celle qui n'est pas basée sur une preuve. Ahlul bid'ah yastamiluna hadhihi at-tariqa linafyi as-sifat. Les gens de l'innovation vont utiliser cette méthode pour rejeter les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils ne vont pas te dire non non, ça n'existe pas dans le Coran. Tu dis mais oui, c'est marqué dans le Coran istawa. Il va pas te dire non, ça n'existe pas. Il va te dire ça existe istawa. Mais la signification, c'est ça. C'est ça. Il va te donner une autre signification. Et donc, anta, ayyuha sunni, idha su'ilta, hal hunaka ta'wilun fi din, bimadha tujib. Et donc, toi, le sunni, celui qui suit la sunna, si on te demande, est-ce qu'il y a des interprétations de ta'wil dans la religion, qu'est-ce que tu réponds? Voilà. Tu dis, il y a donc des interprétations qui sont légiférées et des interprétations qui ne sont pas légiférées. Pourquoi? Parce que eux, ils viennent vers toi en disant, pourquoi est-ce que vous nous blâmez pour les interprétations? Pourquoi est-ce que vous nous blâmez? Même vous, vous faites des interprétations. Vous aussi, vous en faites. Et il vient te voir, il te dit, regarde, qu'est-ce que tu dis de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, tajri bi ayunina. Là, on va se concentrer un petit peu et on finit. On se concentre encore quelques minutes et on finit avec ça, inshallah ta'ala. Tajri bi ayunina. Allah tabaraka wa ta'ala, il parle de l'arche de Noé. L'arche de Noé. Et donc il dit, tajri bi ayunina, celle-ci qui vogue sous notre surveillance. Bi ayunina, ça veut dire quoi ayun? Les yeux. Ayun, c'est le pluriel des yeux. Ils vont te voir et te disent, regarde, tu dis que c'est pas bien les interprétations. Allez, explique-moi ce verset. Est-ce que tu dis que l'arche, elle vogue avec les yeux d'Allah? Est-ce que tu dis que l'arche, elle vogue avec les yeux d'Allah ici? Tu dis quoi? Non. Non. Et donc, par la veillance, Allah qui surveille, donc, qui veille sur cet arche. Mais il y a le mot ayun. Pourquoi vous ne dites pas les yeux ici? Parce que ce n'est pas possible. Les yeux d'Allah, il est au-dessus des cieux et ses yeux sont sur le bateau. Est-ce que c'est correct? Là. Allah, il est au-dessus des cieux et ses yeux sont sur le bateau. Non, ce n'est pas correct. Et donc là, tu es obligé d'interpréter. Tu es obligé d'interpréter. Et les savants, ils utilisent cette explication, ils utilisent, excusez-moi, cette formulation de phrase pour dire qu'ils surveillent quelque chose. Les Arabes. Les Arabes, ils utilisent cette formulation pour dire qu'ils surveillent quelque chose et qu'ils veillent sur cette chose. Et même en français, on l'a. Et oui. Même en français, on l'utilise. Et donc, ici, je t'ai à l'œil. Et donc, je te surveille. Attention, je veille sur toi, etc. Et donc, ici, on a une interprétation qui est permise. Pourquoi? Parce que le sens qui est voulu ici n'est pas le sens qu'on a avec le mot les yeux. Et donc là, tu vas lui dire, nous, Ahl Sunna, ici, on va interpréter. Ouais, c'est vrai. Mais par contre, walakin, nahnu nuthbitu l'ayna lillah. Mais nous, on va affirmer les yeux, on va affirmer donc cet attribut pour Allah tabaraka wa ta'ala. Mais vous, est-ce que vous attribuez les yeux à Allah tabaraka wa ta'ala? Là. Eux, ils n'affirment pas. Ahl Sunna, ils affirment. Les yeux d'Allah tabaraka wa ta'ala. Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah tabaraka wa ta'ala. Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il parle de ce sujet et il affirme que ceci est la voie de Ahl Sunnati wal Jama'a wa annahu yajibu al-imanu bihi et qu'il est obligatoire d'affirmer les yeux d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Cheikh Ibn Uthaymeen aussi, il aborde ce sujet dans le livre Al-Qawa'id Al-Muthla, wallahu alam, je crois que je l'avais vu dans la bibliothèque de la mosquée, je ne sais pas. À la kulli hal, donc, ce sujet, et on le verra un peu plus dans les détails lorsqu'on abordera un autre livre dans les noms et attributs spécifiquement, Inch'Allah, et on va développer un peu plus avec les sectes qui ont rejeté cet attribut, pourquoi, comment, quelles sont les répliques de Ahl Sunnah. Tout ça, on les verra petit à petit, on ne va pas tout rentrer, on ne va pas tout citer dès le début comme ça. Je pense que là, ça suffit largement. Et la semaine prochaine, bi'idhnillah, on va continuer donc avec le prochain vers. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous accorde la réussite et une science profitable. Il est certes capable de toute chose. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.